auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio libre, Radio Guémozo, hein, radio libre, qui a, s'est forcé d'être libre pendant 42 ans, hein, mais bon, voilà. Ensuite, bien le programme de ce soir, eh bien, ce sera, histoire, grandes invasions, les Huns, Théodose II, les Visigoths, Arles, Aetius, Silicone, Théodoric. Hein? Ah oui, il y en a eu des invasions en Europe. Oh, des guerres dans le nord. Oh là là, on est envahi plus. Ben oui, il n'y a pas que les Romains qui nous ont envahis. Oh là là. Eh ben oui, c'est comme ça. Ah ben c'est l'histoire, que voulez-vous. Eh oui, il faut voter correctement parce que sinon, on a subi les conséquences. Clément Viktorovitch, est-ce que tout est de la faute des milliardaires? Point d'interrogation. Hein? Eh oui, il est question de 1650 milliards d'euros. 1650 milliards d'euros. Ouais, oui. Moi, j'ai été étonné quand j'ai vu le chiffre, hein. 550 milliards d'euros. Bon. Une forêt Miyawaki pour lutter contre la chaleur urbaine. Tiens, c'est une idée. Hein, pourquoi pas. Magellan, vu par Julien Ferrand. Et puis, Nord Stream, François Fillon. Hein? Eh oui, Fillon. Rappelez, Fillon. Hey. Ukraine, ouais. Bon. Gaz, Poutine réélu, Angela Merkel. Non. Ensuite, ben encore un peu, on va parler encore un petit peu de l'Ukraine. Hein, c'est pas fini l'Ukraine. Oh là là, tant qu'il reste un Ukrainien, tant que Poutine n'a pas massacré le dernier Ukrainien, ben on ne peut pas trop espérer que la paix reviendra. Hein, ou alors il faudra réagir, puis réagir drôlement. Résistants déportés, la BBC, la faim, Dachau, chemin vers la domination du monde. Eh oui, dans ces années-là, ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, comme maintenant. Comme maintenant. Eh oui, il y avait au pouvoir des gens à l'époque qui... Eh oui, qui... Bon, maintenant, il y a encore des gens qui... Hein, bon, chacun mettra ce qu'il voudra après ce qui. La France, la grève est un geste de haute civilisation insoumise. Hein, la France insoumise, la grève est un geste de haute civilisation. Et si on met les mots dans l'ordre, enfin dans un ordre. Et puis, une petite revue de presse, voilà. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, t'es gardé dans mon cœur. t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Maintenant que les Visigoths sont enfin installés, il est temps de retrouver nos plus terribles asticoteurs, les Huns. L'empire des Huns se montre plus ou moins agressif selon qui est aux commandes. Or, le petit nouveau s'appelle Rouga et il se montre étonnamment nerveux. Fini les petits coups de pouce aux Romains. L'empire d'Orient s'est bien relevé, il est temps d'en profiter pour le repiller un bon coup. Et dans le même temps, les Huns reprennent aussi leur conquête des royaumes germaniques. Les plaines de Hongrie sont intégrées à l'Empire et Rouga y implante sa capitale, qui est surtout un centre de rassemblement. C'est justement le moment que choisit l'empereur d'Occident pour mourir. Honorius le Mollusque ne sera pas regretté par grand monde, mais en attendant, il faut bien lui trouver un successeur. Et c'est là que la scission de l'Empire pose un problème nouveau. En voulant jouer de son coin, l'empereur d'Orient a perdu sa légitimité à choisir son collègue d'Occident. Le Sénat romain, qui fait rire tout le monde depuis 2 siècles, se dit qu'il y a moyen de retrouver son pouvoir perdu. Il aligne son poulain sur la piste. Mais en Orient, Théodose II préfère sélectionner un concurrent. Bref, il met son nez dans la politique de l'Occident dès que ça l'arrange. C'est le coup d'envoi d'une nouvelle guerre civile. Ça faisait longtemps. Le Sénat tente aussitôt d'enrôler les Huns pour se donner une force de frappe. Mais le problème, c'est que les caisses sont vides. Il peut pas leur donner grand-chose en contrepartie. Du coup, les Huns exigent qu'on leur donne un bout de territoire à la place. Et le pire dans l'histoire, c'est que les Romains acceptent. Les Huns récupèrent une grosse partie de la Pannonie sans combattre. D'un point de vue stratégique, c'est affligeant. L'ennemi vient de franchir le Danube qui ne pourra plus jouer son rôle de défense naturelle. Au moins, les Huns se battent maintenant aux côtés du Sénat. Mais ça va pas durer, parce que l'Orient, lui, il a l'argent nécessaire pour payer les barbares. Les Huns empochent le magot et ils quittent aussitôt le champ de bataille. Ils ont tout compris. Ils viennent de récupérer un territoire en Occident, de l'argent en Orient, sans avoir à se battre, tout ça parce que les Romains n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Libéré des Huns, l'Orient remporte rapidement la partie et parvient à placer son pion à la tête de l'Occident. Il en profite même pour lui grignoter des territoires. C'est la principale leçon de ce triste épisode. L'Occident vient de tout perdre alors même qu'il avait les Huns à ses côtés. C'est inéluctable. Quoi qu'il arrive, c'est celui qui tient l'oseille qui finit toujours par s'en sortir. On l'a dit, mais on le redit, c'est la scission de l'Empire qui a scellé la mort de l'Occident. En plus, cette nouvelle bévue donne des idées aux Visigoths. Leur roi Théodoric ne tient pas en place. Il est censé être fédéré aux Romains, mais pour lui, fédéré, ça veut dire fédéred. Il tente d'agrandir son royaume vers la Méditerranée et atteint même la ville d'Arles, devenue le nouveau cœur de la Gaule. Heureusement, l'Occident a trouvé son sauveur, le maître des milices Étius, digne successeur de Stilicon. C'est lui qui va tenir l'Empire à bout de bras pendant les décennies à venir. S'il y a un nom à retenir, c'est pas celui des empereurs, mais c'est bien le sien. Dépité, Théodoric reporte son attention vers l'ouest, vers les collines de Gascogne et les plaines de Charente. À vrai dire, on ne sait pas vraiment quand il arrive à les conquérir. Les Romains n'ont même plus le courage d'écrire ce qui se passe. Toujours est-il qu'il s'impose déjà comme le plus puissant des royaumes germaniques. Il va falloir être fort, parce qu'on va continuer de voir l'Occident se décomposer comme un zombie jusqu'à ce qu'on lui fracasse la tête de façon définitive. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Voici maintenant Clément Viktorovitch avec nous comme tous les dimanches. Bonjour Clément. Bonjour. Docteur en sciences politiques, on lit entre les lignes d'un grand débat d'actualité avec vous tous les week-ends. Aujourd'hui, vous voulez revenir sur une actualité qui a fait débat cette semaine après la remise du rapport d'Oxfam sur les inégalités dans le monde. Et vous est venue cette question provocatrice, et si tout était la faute des milliardaires ? Oui, je sais que ça a l'air un poil caricatural, mais c'est effectivement la question que je me suis posée en lisant le dernier rapport de l'ONG Oxfam qui passe au crible l'évolution des inégalités dans le monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que en France, elles s'accroissent. Commençons par ce que l'on savait déjà. Oui, la fortune des ultra-riches s'est considérablement accrue. En 10 ans, les milliardaires français ont triplé leur fortune. Elle s'élève désormais à 550 milliards d'euros. C'est un chiffre tellement énorme qu'il est impossible de le conceptualiser. 550 milliards, c'est près du quart du PIB de la France. S'ils dépensaient toute leur fortune, ces 42 individus pourraient payer à eux seuls le budget de l'éducation nationale, le premier poste de l'État pendant 10 ans. Alors, on parle de fortune qui augmente nettement. Il faut se pencher un peu sur le calcul, préciser aussi que c'est pas forcément de l'argent liquide, du cash. Alors oui, ça c'est parfaitement vrai. Ces sommes folles, elles correspondent aux actions que les milliardaires détiennent sur leur propre société. Ils n'en disposent donc pas comme ils le souhaitent. Du moins, pas totalement. En novembre 2021, Elon Musk a commencé à vendre une petite partie de ses actions Tesla pour pouvoir notamment financer l'achat de Twitter. Résultat, en l'espace d'une seule année, il a récupéré 39 milliards de dollars sonnant et trébuchant. Donc non, des actions, ça n'est pas du cash, mais ça peut tout de même assez vite le devenir. Et puis, qu'on ne vienne pas non plus me parler de ces courageux milliardaires qui se sont battus une fortune à la sueur de leur front. D'après un décompte du très sérieux Financial Times, en France, 8 milliardaires sur 10 ont en réalité hérité de leur fortune. Qu'ont-ils donc fait pour tant de bien ? Ils se sont donné la peine de naître et rien de plus. Des fortunes qui augmentent parce que les actions augmentent aussi, la valeur des entreprises augmente. D'où vient cet accroissement, est-ce qu'on le sait ? Oui, on le sait bien sûr. Déjà, il y a des raisons qui sont contextuelles. La crise Covid puis la guerre en Ukraine ont été une aubaine pour de nombreux secteurs, industrie pharmaceutique, commerce en ligne, énergie, transport de marchandises, entre autres. Et ensuite, surtout, il y a des choix politiques qui ont été faits ces 5 dernières années. Les aides aux grandes entreprises, sans contrepartie, n'ont cessé d'augmenter. Elles ont même explosé pendant le Covid. En parallèle, les impôts sur les entreprises ont radicalement baissé. On en est tout de même à 28 milliards d'impôts en moins par an. Et il en va de même pour les impôts sur les particuliers fortunés. 15 milliards par an au bas mot. Alors, le gouvernement ne cesse de dire qu'il a baissé les impôts pour tout le monde. C'est vrai, mais dans des proportions qui n'ont absolument rien de comparable avec ce qu'il a fait pour les plus riches. Baisse d'impôts pour tout le monde, soutien à l'emploi aussi, avec des mesures économiques, c'est ce que dit le gouvernement. Qu'en est-il justement du reste des Français ? Eh ben, c'est tout le problème. Sous l'effet de l'inflation, le reste des Français, ce sont eux, nettement appauvris. Rien que sur le premier semestre 2022, les ménages français ont perdu en moyenne 700 euros de pouvoir d'achat. Et pour une raison simple, les entreprises, malgré toutes les aides qu'elles reçoivent, n'ont pas augmenté les salaires. Au sein de l'OCDE, chiffre officiel, la France est le pays où les revenus réels, c'est-à-dire les revenus corrigés de l'inflation, ont le plus baissé au second trimestre 2022. Les conséquences sont très concrètes. Il y a de plus en plus de Français qui ne peuvent pas faire 3 repas par jour, qui ne peuvent pas se chauffer, qui doivent renoncer à se soigner. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains parle même, je cite, d'une hausse de la pauvreté en France inédite depuis de très nombreuses années. Alors voici plein de chiffres, plein de constats. Quelles conclusions faut-il en tirer selon vous ? Écoutez, la première chose, c'est qu'il va quand même falloir reparler un peu de cette réforme des retraites. Pour combler le déficit hypothétique du régime de retraite, le gouvernement a choisi de reculer l'âge de départ, ce qui pèse en premier lieu sur ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui sont donc souvent les moins favorisés. L'argument utilisé semble être imparable. Si on ne fait pas ça, il va soit falloir augmenter les impôts des salariés et donc baisser leur pouvoir d'achat, soit augmenter les cotisations des entreprises et donc diminuer la compétitivité. Alors déjà, sur ces deux points, on pourrait tout à fait argumenter qu'il existe en fait encore des marges de manœuvre. Mais surtout, là où cette équation est trompeuse, c'est qu'elle laisse de côté une troisième option, la taxation du capital, la mise à contribution des grandes et très grandes fortunes de France, celles-là même qui n'ont cessé d'enfler ces 10 dernières années, sans que l'on puisse démontrer le moindre effet positif pour l'économie.

Alors, le concept de la forêt de Miyawaki, c'est de recréer une forêt primordiale comme si l'homme n'était jamais intervenu. Donc pour ça, on va planter de manière très serrée des essences locales, donc ici en l'occurrence 25 essences différentes. On va les planter de façon très serrée, de façon à créer des synergies entre les différentes espèces et les laisser croître. Donc normalement, ça mettra à peu près 3 ans pour obtenir une forêt autonome. Dans la campagne électorale, on a fait beaucoup de participatifs, on a rencontré beaucoup d'habitants. Les besoins ressortis étaient des besoins de fraîcheur, d'espace de vie, d'espace de promenade. Alors le principal avantage, c'est la création d'un îlot de fraîcheur qui va de jusqu'à 30 mètres aux alentours baisser la température d'environ 1 degré. C'est aussi l'occasion de recréer un espace de biodiversité, puisque la biodiversité devrait être fortement multipliée avec la présence d'insectes, d'oiseaux qui vont venir vivre ici dans la forêt. Et c'est un avantage pour les habitants, puisque dans un quartier où tout est vertical, on va créer un piège à son qui va vraiment venir apaiser le quartier et calmer tout ce que j'appelle les irritants. Au sein du conseil municipal, l'ensemble de mes collègues élus nous ont montré qu'ils étaient tous favorables à la transition écologique. D'ailleurs, nous avons nommé un adjoint à la transition écologique, adjoint qui a un regard très global sur l'ensemble de nos dépenses. L'idée étant qu'on puisse être tout le temps dans une idée de développement durable ou de transition écologique. Il est venu un soir avec une présentation de la forêt Miyawaki et ça a été unanimement accepté comme un projet phare que nous voulions mettre rapidement au sein de notre commune. Dans le cadre du programme Petite Ville de Demain, l'État finance jusqu'à 80% les projets de transition écologique. Un coup de pouce dont Saint-Martin-Boulogne a pu bénéficier pour l'installation de cette forêt. Alors, on s'est associé avec une société experte dans la plantation de forêt Miyawaki, donc c'est Urban Forest. Ils sont venus faire un diagnostic de la terre, parce qu'il faut que la terre soit particulière pour pouvoir planter. Une fois que ce diagnostic a été fait, on a procédé à un abondement. Donc là, ici, on a rajouté du fumier et du compost. On a aéré la terre également pour faciliter l'enracinement des arbres. Et une fois que tout ça a été préparé par les entreprises, les habitants et les services techniques de la mairie sont venus planter les arbres. Donc on a fait ça vraiment de manière participative, chacun a pu mettre la main à la pâte. Et ensuite les habitants ont également paillé pour justement limiter le besoin en arrosage. Et ensuite une société a clôturé l'espace. Après seulement 3 années d'accompagnement, la forêt sera autonome et ne demandera quasiment plus d'entretien. Fernand de Magellan naît au Portugal vers 1480. C'est un navigateur et explorateur connu pour être à l'origine du premier tour du monde, même si lui-même ne le terminera jamais puisqu'il meurt durant le voyage. Magellan va ainsi totalement bouleverser la vision du monde de l'époque. Au début du XVIe siècle, il multiplie les voyages et les expéditions commerciales à bord de navires dirigés par les grands du royaume. C'est ainsi qu'il découvre les Indes et pratique le commerce des épices, qui sont des produits extrêmement précieux à l'époque. Dans les Indes orientales portugaises, il rencontre l'explorateur Francisco Serrao, avec qui il se noue d'amitié. Ce dernier lui parle de l'existence des îles Moluques, riches en épices. Magellan va voir ses relations avec le souverain du Portugal se détériorer, si bien qu'il décide d'offrir ses services au roi d'Espagne, le futur Charles Quint, à qui il propose de se rendre sur les îles Moluques pour mettre la main sur les épices. L'expédition est donc financée par la couronne espagnole. Magellan forme alors son équipage, composé majoritairement d'Espagnols au sein de 5 navires. Le 10 août 1519, la Trinidad, la Victoria, le San Antonio, le Santiago et la Conception partent du port de Séville en Espagne, avec à leur bord 242 marins. Magellan cherche à contourner l'Amérique par le sud. Certains membres de l'équipage perdent patience et se mutinent. Magellan fait exécuter les mutins, puis découvre enfin en novembre 1520 le détroit contournant la pointe sud de l'Amérique, détroit qui prendra son nom, à savoir le détroit de Magellan. Après avoir essuyé de violentes tempêtes, Magellan et son équipage jugent cet océan plutôt pacifique. Une partie des marins perd la vie après avoir mangé du céleri sauvage. La traversée de l'océan est interminable. Les navires arrivent aux Philippines le 16 mars 1521, où Magellan rencontre le roi Humabon qui se convertit au christianisme. Ce dernier demande à Magellan et son équipage de mener une expédition contre Lapu-Lapu, le roi de l'île voisine. Magellan est blessé lors de ce combat par une flèche empoisonnée et meurt le 27 avril 1521. Il ne reste alors plus que 113 hommes et 2 bateaux pour poursuivre le voyage désormais dirigé par Juan Sebastián Elcano. Les navires arrivent à Tidor, aux îles Moluques, le 8 novembre 1521. Les cales sont remplies d'épices. Elcano quitte les îles à bord de la Victoria le 21 décembre 1521. Le 6 septembre 1522, Elcano et 18 membres d'équipage arrivent en Espagne et réalisent donc la première circumnavigation complète du globe, plus souvent appelée Tour du Monde. Pour résumer, Fernand de Magellan est un navigateur portugais qui a travaillé pour le roi d'Espagne. Il est parti avec son équipage en direction des îles Moluques, par la pointe sud de l'Amérique, afin de mettre la main sur des épices. Pour cela, il va passer par le détroit baptisé en son honneur, Détroit de Magellan. Ce dernier va mourir durant la traversée, et c'est finalement son second, à savoir Elcano, qui sera le premier à faire le tour du monde. conseiller en chef pour Nord Stream 2. Karin Kneissl, l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, a invité Poutine à son mariage. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zur Eheschließung und Bildung einer neuen Familie. L'ancien Premier ministre français, François Fillon, siégeait au conseil d'administration de non pas une, mais deux sociétés russes liées au pétrole. Et la liste ne s'arrête pas là. Il est cependant un pays que Poutine ne perd jamais de vue, l'Ukraine. Souria Jayanti a travaillé à l'ambassade des États-Unis à Kiev. Elle a été témoin des pressions exercées par la Russie. Une bonne partie de la corruption en Ukraine vient de la Russie, dont l'ingérence malveillante se manifeste notamment dans le secteur du gaz. Dans ce contexte, un Ukrainien joue un rôle essentiel, le milliardaire Dmytro Firtash, qui vit en exil à Vienne et qui a fait fortune grâce au gaz, mais aussi grâce à la complaisance de Gazprom. Dmytro Firtash est un oligarque ukrainien. Il a des billes dans tous les secteurs, que ce soit dans les médias ou dans l'énergie. Sa fortune provient entre autres des énormes quantités de gaz ukrainien qu'il a volé en siphonnant les gazoducs. Gazprom a laissé faire. Aujourd'hui encore, Dmytro Firtash nie avoir fait quoi que ce soit d'illégal, mais les autorités américaines réclament son extradition d'Autriche. Firtash a été inculpé par le gouvernement américain pour corruption. Il est très lié à la mafia russe et à Poutine. Dmytro Firtash avait créé une société avec des partenaires russes. Gazprom avait plus de 160 filiales. L'argent pouvait circuler et changer de main sans qu'on ne sache jamais où il allait. À mon avis, ces sociétés écrans servaient au mouvement de fonds pour la corruption des politiques. Nous savions tous qui était derrière tout ça. L'entreprise de Firtash a été créée pour verser des pots de vin aux politiciens. Ils se seraient donc servi des revenus du gaz pour corrompre l'Ukraine et s'enrichir eux-mêmes. Oui. C'est ce que je crois. Au début des années 2000, et même après, une grande partie du gaz était importée en Ukraine pour être réexportée en Europe par le biais d'une société très opaque appelée Rosoukh Energo, dans laquelle trempaient des hommes d'affaires russes et ukrainiens. En 2010, Firtash soutient le candidat pro-russe Viktor Yanukovych, qui, après sa victoire électorale, oriente l'Ukraine vers la Russie. Ces personnes avaient une influence politique en Ukraine, et certaines d'entre elles étaient des agents russes. Il était évident que la Russie se servait de l'argent de Gazprom pour influencer les hommes politiques ukrainiens. Et j'ai toujours pensé qu'après avoir corrompu la vie politique ukrainienne, le commerce du gaz corromprait celle de l'Allemagne. Merkel ne se détourne ni de Poutine, ni de la Russie. Ich finde das richtig. Europa und Russland sind strategische Partner, die sicherlich ihr Potenzial der Kooperation längst noch nicht ausgeschöpft haben. À la suite d'une modification de la constitution russe, Poutine est réélu président. We won. We won after an open and honest fight. Le jour de la troisième investiture de Poutine, des dizaines de milliers de personnes manifestent à Moscou et accusent le président de corruption. Celui-ci réprime violemment la contestation. L'Ouest se voilait la face. On ne voulait rien changer à nos affaires, à nos comportements ou à nos projets. Alors que Poutine ne cessait de dire « Je vous déstabiliserai tant que vous ne prendrez pas mes intérêts au sérieux ». La Russie investit de plus en plus d'argent pour tenter de déstabiliser l'Ukraine. En 2013, le président Yanukovych doit ratifier un rapprochement avec l'Union européenne. Son refus de le faire plonge son pays dans la crise. Viktor Yanukovych s'est présenté à un sommet spécial de l'Union européenne et il nous a dit « L'autre camp nous a fait une meilleure proposition ». Les chefs d'État et de gouvernement européens lui ont répondu « Voilà ce qu'on vous propose, nous n'irons pas au-delà ». Alors Yanukovych a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, ce que voulait Poutine. Le résultat, ça a été la révolution de Maïdan. L'étincelle donne lieu à une explosion. Finalement, Yanukovych s'enfuit et s'exile en Russie. En août 2015, j'ai commencé à travailler au département d'État américain comme conseiller en sécurité énergétique européenne. J'ai pris mes fonctions un an après que la Russie a illégalement envahi le Donbass et annexé la Crimée. À l'époque, on croyait le projet Nord Stream 2 enterré. L'idée d'accroître encore la dépendance à l'énergie russe semblait complètement aberrante. Mais moins d'un an plus tard, Nord Stream 2 était de retour, et le spectre du gazoduc de Poutine venait à nouveau tourmenter l'Europe. Le contrat pour la construction du gazoduc Nord Stream 2 est signé en Sibérie en septembre 2015. Pour moi, ce contrat n'était pas un piège. Actuellement, tout le monde est sous le choc de l'invasion et de la guerre en Ukraine, qui est une horreur et que rien ne peut justifier. Mais affirmer que notre stratégie nous a menés dans un piège, je trouve cela exagéré. Peu avant l'invasion, Alexei Miller se rend à Berlin. Il accuse une nouvelle fois l'Ukraine. Et Alexei Miller prépare une autre surprise. Même moi, je ne pensais pas que l'Allemagne serait naïve au point de vendre ses capacités de stockage à Gazprom. Cette vente est arrangée en 2012 par une filiale de BASF. Pour cette vente, il fallait l'accord de l'État. L'État aurait pu dire « Non, nous voulons rester propriétaires de nos réservoirs ». Mais cela n'a pas eu lieu. Au contraire, car nous avions besoin de davantage de gaz. Les réservoirs sont vendus en 2015 avec la bénédiction du ministre de l'économie d'alors, Sigmar Gabriel. En échange, nous avons obtenu encore plus de parts de marché, encore plus de gisements de gaz, ce qui était notre objectif. Conformément aux souhaits de la chancelière Angela Merkel et du vice-chancelier Olaf Scholz, le chantier de Nord Stream 2 se poursuit. J'ai vu à plusieurs reprises des données préparées par Gazprom. Dans les ministères allemands ? Oui. Et ces personnes étaient des personnes haut placées du ministère de l'économie allemand. C'est-à-dire le ministre et les secrétaires d'État ? Oui. Très haut placés. La propagande a profondément pénétré le système. Я переживаю за Украину, что переведя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния. Прошу прощения за то, что прерываю вас. Вы считаете, что такой сценарий возможен? Вы оцениваете его вероятность относительно... Gazprom fait partie de l'armée russe. C'est une de leurs armes. Le gazoduc Nord Stream 2 est achevé peu avant que Poutine ne donne l'ordre d'attaquer l'Ukraine. Сегодня должна быть завершена процедура заполнения газом второй нитки Северный поток 2. Sept mois après le début de l'agression contre l'Ukraine, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont victimes d'un sabotage à l'explosif. Une conduite reste intacte. С европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка Северного потока 2, судя по всему, готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют краны все. Thank you. Le premier choc est toujours angoissant. Mais on a déjà remporté des victoires et il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. On les écrasera sur le champ de bataille et l'Occident les achèvera économiquement. Suivez nos annonces. Comme tous les conseillers de la présidence ukrainienne, Oleksiy Arestovitch est un blogueur et un influenceur. Il est suivi par des millions d'Ukrainiens sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Au premier jour de la guerre, il est omniprésent. Il donne quantité d'interviews et de conférences pour expliquer la guerre à ses concitoyens et les aider à surmonter le choc. Vous êtes des monstres. Cette guerre va changer de visage. En gros, il remplit la fonction d'un psychothérapeute qui explique ce qui se passe pour normaliser la situation et aider la population à reprendre sa destinée en main. C'est très important pour le public auquel il s'adresse, qui est sous le choc. Il n'essaie pas de dramatiser la guerre, contrairement aux porte-paroles militaires russes qui, eux, cherchent à traumatiser leur public. Just like anyone in Zelensky's office, Arestovitch a le même style vestimentaire, simple et pratique, que tout l'entourage de Zelensky. Il s'adresse à des publics très variés, dans le monde entier, parce qu'il est un porte-parole du président ukrainien. Mais il n'a pas du tout la tenue vestimentaire classique d'un homme occupant de telles fonctions. J'ai une question paradoxale. Est-ce que vous voyez ces derniers jours comme les meilleurs de votre vie? J'avoue, c'est sympa. Je vais dire quelque chose qui risque de paraître très prétentieux. Je n'irai pas jusqu'à dire que la guerre est mon élément, mais je me sens comme un poisson dans l'eau dans les situations extrêmes. Je pratique la psychologie depuis plusieurs années et aujourd'hui, on me surnomme le psychothérapeute de la nation. Le spin doctor de Volodymyr Zelensky est très aimé des Ukrainiens. Il attire aussi l'attention des chaînes de télévision étrangères. Je peux comprendre qu'on ait besoin de matériel de défense. Mais à quoi servent des appareils auxquels les soldats ukrainiens n'ont pas été formés et qui pourraient leur poser problème pendant les combats? Je connais notre armée. Je suis moi-même militaire. Nous maîtriserons ces appareils en 3 jours. Donnez-les-nous et nous nous débrouillerons. Gloire à l'Ukraine. Gloire à l'armée. À la prochaine. Ce matin, la Russie a lancé une opération militaire spéciale visant à protéger les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk. Le plus grand problème de Poutine, disent vos amis, c'est sa formation juridique. Il agit toujours dans le cadre de la loi. Forcer Poutine à enfreindre la loi, c'est impossible. C'est vrai. J'ai eu de très bons professeurs. Vladimir Soloviev est considéré comme le monsieur propagande de Poutine. Il présente une émission de débat à la télévision, diffuse des vidéos en direct sur sa page internet et son compte Telegram est suivi par plus d'un million de personnes. Il est partout et relaie les communications du Kremlin. Scholz a perdu la boule. Il a dit, je cite, « Nous soutiendrons l'Ukraine financièrement et militairement jusqu'à ce que Poutine reconnaisse qu'il a commis une erreur. Est-ce que Berlin est bien protégé? Même pendant la dernière guerre, nos avions volaient déjà jusqu'à Berlin, sans problème. Si on veut réagir, on a l'embarras du choix. Les Allemands, tirez les leçons de l'histoire. Après la pub, nous accueillerons de nouveaux invités. » Ce que j'aime dans ces émissions, c'est qu'il n'y a même pas besoin de parler russe pour comprendre comment elles fonctionnent. Soloviev est au centre et il n'en bougera jamais. En général, il ne s'approche pas de ses invités. Il reste au centre. Et ses invités sont censés soutenir son discours depuis leur position périphérique. Donc le narrateur représente ici le chef de l'État, celui qui délivre le vrai message. Dans cet extrait, Soloviev répète en gros ce que Poutine a dit le matin même. Regardons-le de plus près. Il porte sa célèbre veste qui évoque la figure des grands leaders des années 30, comme Staline ou Mussolini. Il garde toujours les mains derrière le dos. Il se prépare à vous attaquer. C'est une posture agressive. Il n'est jamais ouvert. Il est fermé. Il a une posture agressive. Ce matin, la Russie a lancé une opération militaire spéciale visant à protéger les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk. Son objectif principal est la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Que fait Soloviev? Comme je l'ai dit, il répète les mots de Poutine et annonce la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Il prononce ces mots avec beaucoup de soin pour les introduire et les imposer aux téléspectateurs. En gros, il mâche le travail de Poutine. La Russie réprime les voix dissonantes depuis des années. Au début de la guerre, elle a créé une nouvelle infraction, la diffusion de fausses informations, passible de 15 ans de prison. C'était le premier jour de la guerre. La police m'a pris à partie. J'ai fini à l'hôpital, avec un traumatisme crânien. Pendant des années, des centaines de milliers de personnes ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour empêcher que les choses en arrivent là. Mais la plupart des dirigeants des pays étrangers ont soutenu la répression exercée par Vladimir Poutine. Donc pour moi, comme pour de nombreux Russes, c'était loin d'être notre première rencontre avec la police. Devant la menace pesant sur notre intégrité territoriale, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens dont nous disposons. Ce n'est pas du bluff. D'abord, Poutine porte un costume et une cravate, bien sûr. Souvenez-vous du style vestimentaire de Zelensky, qui est beaucoup plus simple. Ces deux manières de produire une image communiquent entre elles, évidemment. Poutine est filmé en plan rapproché pour imposer et intimider davantage. Il s'invite chez vous. Il est chez vous et profère des menaces. Et puis Poutine est un chef d'État avec des téléphones à sa disposition qui le rendent omnipotent. Il n'a qu'à passer un appel et tout sera réglé. Il lui suffit de décrocher le combiné pour dégainer l'arme nucléaire. Poutine va d'ailleurs en parler. L'effondrement de l'Union soviétique est le plus grand désastre du XXe siècle. Un peuple uni a été divisé en différents pays. Poutine élabore un récit quasi mythologique, celui de la puissance de la Grande Russie. Il utilise l'histoire comme une arme, mais avec une particularité, qui est que tout ce qui se met en travers de ce mythe doit être détruit. Vladimir Poutine rêve de restaurer l'Empire soviétique. On accorde peut-être trop d'importance aux années que Poutine a passées au KGB. Mais ces années à Saint-Pétersbourg ont peut-être été plus décisives encore. C'était un vrai bandit dans les années 90. Le genre avec un pistolet. Il réglait les problèmes en semant la peur, la terreur, en recourant à la violence. Ça a été une leçon importante pour lui, mais aussi pour de nombreux Russes. Des mercenaires se dirigent en masse vers l'Ukraine, mais le président a quitté le pays. C'est du moins ce qu'affirme le député ukrainien Ilya Kiva. Volodymyr Zelensky serait en Pologne et se cacherait dans l'ambassade américaine. On vient de me confirmer que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le président Volodymyr Zelensky, a franchi la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Il est désormais en sécurité à l'ambassade américaine. Le chef du groupe parlementaire est là. Le chef du cabinet présidentiel est là. Le premier ministre Chmyal est là. Podolyak est là. Le président est là. Nous sommes tous là. Nos soldats sont là. Les citoyens sont là. La vidéo du 25 février a été filmée sous l'impulsion du président Zelensky, qui avait intuitivement compris l'atmosphère ambiante. Nous sommes tous là à défendre notre indépendance et notre État. Et nous continuerons à le faire. Gloire à nos défenseurs. Gloire à nos défenseuses. Gloire à l'Ukraine. On a pris cette décision pour éviter de passer nos journées à dissiper des rumeurs. On tenait à montrer où on était, avec qui, et le président a eu cette idée. À mon avis, on n'aurait pas pu trouver un meilleur moyen de mettre les points sur les i. Une seule vidéo a levé tous les doutes. Mykhailo Podolyak est conseiller de Volodymyr Zelensky depuis 2020. Il est chargé des relations avec la presse. C'est lui qui aurait proposé de recruter Oleksiy Arestovitch en 2022. Voici Kiev, de nuit. Notre bureau. Nous sommes lundi soir. Comme vous le savez, on a l'habitude de dire que le lundi est un jour difficile. Et le pays est en guerre, donc. Il y a un changement de plan qui montre tout l'art de la communication de Zelensky. Il a compris que la guerre se jouait aussi sur le terrain des vidéos en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Et il manie l'art de la vidéo avec beaucoup d'habileté, comme on peut le voir ici. Ce que je nommerais l'esthétique du selfie Instagram en live est devenu typique de Zelensky. Par rapport à Poutine, le plus important, c'est qu'il communique sur un pied d'égalité avec la population ukrainienne. Zelensky s'assoit et nous fait asseoir avec lui. Puis arrive ce changement de plan très signifiant. Zelensky abandonne la perspective subjective en posant son téléphone portable sur la table. Désormais, il est filmé par une équipe professionnelle qui se tient hors champ. Autrement dit, il a commencé avec l'esthétique du live Instagram, puis il adopte le point de vue et l'esthétique d'un discours présidentiel classique. De cotisation des entreprises en matière des choses à discuter, on en a plein. Mais vous pouvez lui dire ça au téléphone quand elle vous a appelé. Est-ce que vous lui dites ça ou est-ce que vous lui dites vous retirez, on discute, elle vous dit monsieur Martinez, on retirera pas, et du coup vous raccrochez. Mais ça fait un petit moment qu'on lui dit. On lui a dit avant le 10 janvier, avant qu'elle annonce sa loi. Mais elle vous appelle pour vous dire quoi alors? Bonjour. Ça va bien. Mais ça vient un prérequis qui semble normal. C'est oui, bien. Mais c'est une pure formalité, c'est ça le problème. On a l'impression qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe dans ce pays. C'est grave, c'est grave. Et vous lui dites ça? Oui. Mais à force, j'ai l'impression de radoter. Vous voyez? Ça n'a pas d'impact. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Je fais confiance à mes collègues. Ils ont dit la même chose. Il y a juste l'heure d'appel qui diffère, vous voyez? Philippe Martinez, le projet de loi arrivera le 28 février en commission au Sénat. Et les sénateurs, la majorité sénatoriale de droite, annoncent vouloir veiller à l'équilibre financier du régime. Il veut même aller plus vite sur l'extinction des régimes spéciaux. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous leur dites, attention, on vous regarde et on sera très attentif à la façon dont le débat va se dérouler au Sénat? Évidemment qu'on va être attentif, mais on leur dit aussi, je pense qu'il faut interpeller leurs électeurs à eux. Ils sont pas les mêmes. Ils sont des grands électeurs. Ils sont pas les mêmes que les élus locaux. Il faut interpeller les maires, les conseillers départementaux, pour leur dire, attention. Vous aussi, vous avez des électeurs qui votent au suffrage universel direct et qui vont regarder pour qui vous votez et comment vous agissez sur les sénateurs. Parce que avec un tel climat de tension et de mobilisation, ça va être compliqué pour un certain nombre d'élus, et y compris des maires, des maires adjoints, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, de dire « moi, j'aurais bien aimé être à vos côtés, mais c'est pas moi qui ai décidé, vous voyez ?» Il y a une question très importante qui est la façon dont la mobilisation évoluera si le projet de loi est voté. Après le Sénat, si la commission mixte paritaire se met d'accord, il y aura un vote à l'Assemblée, un vote au Sénat, et éventuellement donc le texte qui serait voté. Dans ce cas-là, si le texte est voté définitivement, est-ce que vous nous dites la CGT prendra acte de ce qui s'est passé, ou est-ce que vous continuerez à vous mobiliser contre la réforme ? Écoutez, pour l'instant, moi, je suis moins visionnaire que vous. Pour l'instant, l'objectif, c'est que ce projet de loi soit retiré avant la fin de tous les débats parlementaires, Sénat, Assemblée. Et mais la CFDT, Laurent Berger, dit, si c'est le cas, tradition démocratique, on arrête. Est-ce que vous nous dites, on continue? Martinez, c'est ce que vous aviez laissé entendre. Martinez et la CGT vous disent, ou vous redisent, qu'il faut un 7 mars très fort. Et la suite du 7 mars, très important, parce que nous, on pense... Et fin mars, si la loi est votée, vous ne répondez pas, monsieur Martinez, c'est important, je pense, pour ceux qui nous regardent. Mais je réponds à votre question dans le sens où moi, je le vois. Si le texte est voté, est-ce que vous continuez à vous mobiliser? Je vous répète que nous comptons bien que le texte soit retiré. Et s'il est voté? Il soit retiré avant le 24 mars. Et s'il est voté, est-ce que vous continuez à vous mobiliser? On verra. Donc vous n'excluez pas la possibilité de continuer, même si démocratiquement, le texte est passé? D'autres textes ont été votés le CPE est pas rentré en vigueur. Voilà. Donc vous dites on continuera. On verra le moment venu, vous m'inviterez, on continuera à en discuter. D'accord? Pour l'instant, la date importante, c'est le 7 mars. Valérie. Petit retour à l'Assemblée, on a vu pendant ces deux semaines de débat que le Rassemblement National et Marine Le Pen n'ont pas bordélisé, hein, ils ont été plutôt responsables, enfin en tout cas très modérés dans leur façon de débattre à l'Assemblée. Est-ce que le Rassemblement National et Marine Le Pen sont les grands gagnants de cette séquence? En tout cas, pour l'instant, ils sont les grands gagnants de plusieurs séquences déjà passées. Ils ont 88 députés à l'Assemblée nationale. Et si on continue comme ça, c'est-à-dire notamment un président de la République et une première ministre qui refusent d'écouter ce qui se passe dans le pays, on est en train doucement de leur donner les clés de l'Élysée. Voilà. Vous voulez toujours pas d'eux dans les cortèges? Non. Enfin, on ne veut pas d'élus et de représentants de ce parti dans les cortèges. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Eux, leur ennemi, c'est l'étranger. C'est les travailleurs sans papier qui contribuent, d'ailleurs, je tiens à le répéter, aux richesses de la France parce qu'ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts et on a besoin d'eux. Et donc, on préfère, nous, être à leur côté plutôt que leur dire « retournez chez vous ». Monsieur Martinez, sondage dans le JDD ce matin. Vous êtes la troisième personnalité qui, selon les personnes sondées, incarne le mieux la résistance face à cette réforme des retraites. D'ailleurs, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais on ne joue pas dans la même catégorie. Hein. Je sais, mais le sondage vous met dans la même catégorie d'opposants. Moi, je préfère préciser. On ne joue pas dans la même catégorie. Il y a un congrès de la CGT, donc le 53e congrès, c'est le 27 mars, puisque c'est la fin de votre mandat. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, sûr et certain, je m'en vais. Sûr et certain, je ne continuerai pas à la tête de la CGT. Enfin, je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est comme ça qu'on dit. C'est ce qu'un autre disait. Ouais. Sûr et certain. Sûr et certain, vous savez, ça sert à rien de se... Enfin, moi, je suis pour le renouvellement des hommes et des femmes qui font la société, que ce soit en politique ou dans le syndicalisme. Moi, ça fait 8 ans que je suis à la tête de la CGT. J'ai essayé d'impulser un certain nombre de choses, il y a des débats, mais on ne peut pas être et avoir été au bout d'un moment, il faut changer, il y a d'autres idées, d'autres personnalités, d'autres façons d'appréhender les choses. Il vaut mieux partir quand on s'éclate, comme disent certains, que quand on s'ennuie et qu'on devient aigri et qu'on embête tout le monde. Et je ne vise personne. Non, mais si, un petit peu quand même. Non, je vous vois sourire, c'est pour ça. Je vois votre sourire malicieux, je ne vise personne. Que les choses soient claires. Question calendrier quand même, parce que ce congrès, ça risque pas de perturber votre riposte à la réforme des retraites? Vous pensez que le mouvement social, il sera terminé d'ici là? Ça risque pas de cogner ces deux événements? Mais vous voyez, c'est voilà. Pensez tout le contraire de ce que je viens de dire. Voilà. Avec ou sans Martinez à sa tête, la CGT, elle continuera à être... Elle continuera à être avec offensive. Avec une CGT qui sera toute concentrée sur son congrès, on va y revenir, se déroule peut-être pas forcément dans une ambiance totalement apaisée, est-ce que ça ne risque pas de perturber ou de vous retirer des forces pour être offensif? On n'est pas du style à s'enfermer dans une pièce pendant une semaine et à refuser de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Donc vous inquiétez pas, si le mouvement est encore... très fort durant le congrès, la CGT, elle sera présente dans les manifestations, dans les grèves, congrès ou pas congrès. Monsieur Martinez, celle que vous soutenez pour vous succéder, Marie Buisson, est contestée en interne par un certain nombre de fédérations. Est-ce que vous pensez pouvoir réussir à l'imposer ou est-ce que vous prenez acte qu'elle ne fait pas l'unanimité, qu'il n'y a pas de majorité pour la soutenir? Alors, premièrement, je ne veux rien imposer. Il est tradition dans notre organisation, depuis qu'elle est née, qu'on propose une personne pour arriver au secrétariat général. Il y a des instances qui votent. La direction nationale a voté à 72% pour cette proposition. Maintenant, il y a le congrès. Je ne nie pas qu'il y a des débats dans la CGT, plutôt chez les chefs que chez les syndiqués, mais ça, c'est un autre débat. Il y a du sexisme ou pas? Est-ce qu'on s'en prend à elle parce que c'est une femme? C'est ce que, parfois, vous avez sous-entendu? C'est possible. Mais et malheureusement, la CGT n'est pas... mieux ou moins traversé par les problèmes de la société que l'ensemble de la société. En tout cas, moi je pense qu'il faut que la CGT continue à s'ouvrir, continue à regarder le monde tel qu'il est, pas à l'accepter, parce que moi je pense que le monde est mauvais dans, dans, dans, dans sa façon d'évoluer. Regardez les questions environnementales, regardez la question des femmes, la place des femmes, les violences sexistes et sexuelles. Monsieur Martinez, pardon de vous interrompre, mais on ne parle que de femmes pour vous succéder, ce qui est, je pense, plutôt une bonne nouvelle. Depuis quelques jours, oui. Est-ce que Sophie Binet ou Céline Verzelletti, elles ont les qualités requises pour vous succéder? Moi, c'est pas un concours, c'est pas un concours, il n'y a pas de primaire à la CGT. En tout cas, ce dont je me félicite, c'est qu'aujourd'hui, alors que c'était contesté il y a encore quelques semaines, l'idée qu'une femme puisse diriger la CGT n'est plus un problème. Il était temps. Ça fait 128 ans que la CGT existe. On se réclame à juste titre comme un syndicat féministe et ça pose encore quelques débats qu'une femme puisse accéder. Au secrétariat général. Donc vous nous l'avez dit aujourd'hui, vous ne continuerez pas à la CGT, vous allez retourner chez Renault, en tout cas vous attendez une réponse de votre employeur. Non, j'y serai le 3 avril. Alors, au matin. Je vous raconte une anecdote. Ce matin, un membre de cette équipe, Charlotte, et que je salue, prend un chauffeur pour venir travailler. Ça m'a raconté, oui. Voilà. Et vous savez ce qu'il... Donc on va le raconter à nos téléspectateurs. Le chauffeur lui dit, moi je veux que Monsieur Martinez il fasse de la politique. Je veux voter pour lui, je veux pas qu'il s'en aille, et s'il s'en va, je veux qu'il fasse de la politique. J'imagine que si lui le dit, d'autres doivent le penser. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous y pensez? C'est bien que, justement, des salariés, enfin, des travailleurs qui sont loin du statut de salarié qu'on connaît, c'est-à-dire un chauffeur Uber, je crois, regardent la CGT comme une organisation qui les défend. C'était pas le cas encore il y a quelques temps. On a eu des commentaires. Là, j'entends votre sens du collectif, mais il parlait de vous, là. Et c'est bien, c'est bien. Mais vous y pensez ou pas, savez, à faire autre chose politiquement, monsieur Philippe Martinez, quand il sera plus secrétaire général de la CGT. Vous parlez beaucoup de vous, la troisième personne, je trouve. Oui. C'est comme Alain Delon, oui. C'est vrai? Oui, comme Alain Delon, oui. Ça passera au Guignol. Ah non, le Guignol n'existe plus. Non, mais est-ce que vous y pensez, monsieur Martinez? Donc, quand je ne serai plus... c'est la première personne, ça. Ouais. Quand je ne serai plus secrétaire général de la CGT, voilà, je ne représenterai plus rien. Vous serez plus jeune que Jean-Luc Mélenchon en 2027. Vous n'avez pas envie d'y réfléchir? Mais j'aurais... non, je serai très vieux. Vous serez plus jeune que Jean-Luc Mélenchon. Un ultra senior, et donc à la retraite. Donc candidat à l'élection présidentielle, jamais. Jamais, jamais. Jamais. La CGT, elle sera représentée, je l'espère, par une femme, et c'est d'elle dont vous parlerez, c'est elle que vous inviterez sur ce plateau pour répondre à vos questions. Une toute dernière question très rapidement, liée à votre moustache. Tout à fait. Ça m'a fait rire, cette question. Tout à fait. Bah oui, parce que, monsieur Martinez, vous dites que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour bloquer cette réforme. Seriez-vous prêt à raser votre moustache si le gouvernement reculait? Si le gouvernement... Ça, c'est des paris entre footballeurs, ça. Tout à fait. Hein, on est là-dessus, clairement. J'ai joué au football dans ma jeunesse, mais j'étais pas au niveau d'Mbappé ou de footballeurs comme ça, donc je me suis jamais posé la question. Mais peut-être que je la raserai pour d'autres raisons. Merci beaucoup, Philippe Martinez, d'avoir été notre invité ce midi sur BFM TV. Merci, Valérie Benjamin. Voici Affaires suivantes, Ronald Guin. We'll be right back. résiste ou un résistant. Résistant. Combien le sont, au risque d'être embarqués dans des wagons de marchandises, comme celui-ci, qui transporte des réfugiés, mais qui sert aussi à déporter les malheureux juifs vers les camps de la mort. Le risque est aussi grand d'être dénoncé par son voisin en écoutant la radio de Londres, les Français libres, les messages personnels. Ici Londres. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. La patrie n'est pas morte. La haute voix du général de Gaulle. L'espérance n'est pas éteinte. Qui donne de l'espoir. Vive la France. La plus grande partie des Français se laisse aller au fil de l'eau. Évite toute l'occupation allemande avec comme souci majeur celui de ne pas mourir de faim. Les Allemands sont appelés par les Français les doryphores. Insectes nuisibles qui dévorent les pommes de terre. Les Français sillonnent le pays à vélo. Il n'y a plus une goutte d'essence. Les tickets de rationnement délivrent de maigres rations. Alors, on part à la recherche d'un paysan qui peut vendre de la viande, des œufs, du lait. On cueille le cresson des rivières et l'herbe à lapin pour le petit élevage familial. Un intertitre malicieux, sans ticket de rationnement, un lapin à la moutarde. Et Monsieur Bignon filme ses filles, qui se sont faites aux chaussures en bois, à tout ce que les Allemands appellent des ersatz, comme la graisse de poisson à la place du beurre. Car le Reich d'Hitler souffre lui aussi de sévères restrictions. Et maintenant, les Allemandes produisent des obus plus lourds qu'elles, pour la guerre totale de Goebbels, qui dévore les munitions. Mais le rationnement allemand semble épargner certains, comme en témoigne, au printemps 1943, ces images d'amateurs, filmées dans la ville touristique de Dachau, à côté de Munich. Dachau est aussi le premier camp de concentration nazi, ouvert seulement 2 mois après la prise de pouvoir d'Hitler, en 1933. 200 000 déportés passeront cette porte marquée. Le travail rend libre. Communistes, homosexuels, juifs de Bavière, tziganes, prêtres polonais, ils seront pour beaucoup esclaves de la firme BMW. Ils mourront de faim, d'expérience médicale, ou sous les coups des gardiens SS qu'on voit ici jouer au volley, à côté du camp, le dimanche. Dachau, cette ville médiévale que le club de photographes et cinéastes amateurs a choisi pour sujet. Ils sont accueillis par l'un des officiers SS qui sera pendu en 1946, comme tout l'encadrement du camp. Et c'est l'orgie, fournie par la cantine des gardiens de Dachau. Ces gens sont des nazis, sinon, ils seraient rationnés comme les autres. Ces privilégiés du régime, Adolphe, comme il l'appelle familièrement, le Führer, a toujours raison. Et il gagnera la guerre. Le 14 avril 1943, Hitler fait venir en Allemagne Mussolini, les très marqués, au pouvoir chancelant. « Hitler veut l'informer qu'il va reprendre l'offensive en Russie. Il a toujours besoin de son appui et de ses soldats. Mussolini est réticent. Il aimerait mieux un effort en Méditerranée, où ses intérêts sont directement menacés. Mais Hitler lui montre que ses généraux préfèrent attaquer en Russie pour stabiliser ce front et rassurer ses alliés. Ce sera l'opération Citadelle. Une offensive au centre du front, dans le secteur de la ville de Koursk, là où les Russes avaient réussi à avancer. Les Allemands attaqueront du nord et du sud, dans leur manœuvre d'encerclement habituelle. Le destin du monde, en juillet 43, serait-il une bataille autour de la ville de Koursk? Hitler mobilise l'énergie de Speer, son architecte, qu'il a fait ministre de l'armement et qui a donné un essor nouveau à l'industrie de guerre allemande. Speer a réussi en faisant travailler jusqu'à la mort des millions de prisonniers et de déportés. Il a fait tourner à plein régime la sidérurgie de l'Europe occupée pour produire un armement gigantesque. Hitler et Speer ont trouvé aussi un ingénieur de génie, Ferdinand Porsche. Pour Hitler, Porsche avait inventé la voiture du peuple, la Volkswagen. Hitler et Speer vont lui faire concevoir un char meilleur que le T-34 soviétique. Et Speer assiste aux essais de ce char tigre. Le pari est tenu. C'est un monstre de 60 tonnes, armé du fameux canon de 88, capable de percer tous les blindages, plus précis, plus loin. Ils seront les fers de lance d'une masse de blindés jamais vus. Qui pourra vaincre le tigre de Ferdinand Porsche? Fin juin 43. Tout est prêt pour l'opération Citadelle. Hitler a concentré 2700 chars, 7000 canons, 2600 avions et 800 000 soldats, ce qui constitue un effort prodigieux après les pertes humaines et matérielles qu'a subi la Wehrmacht. Hitler dit « La victoire à Koursk sera un signal pour le monde entier. » Le chemin vers la domination du monde est tout tracé. Mais les Allemands ont encore une fois sous-estimé leur ennemi. L'armée rouge aligne deux fois plus de chars, 5600 et 30 000 canons. 3600 avions. Et près de 2 millions de soldats. Staline les galvanise. Il fait lire sa proclamation. Ne pas laisser un seul mètre de notre terre à l'ennemi. Être prêt au combat décisif contre les occupants germano-fascistes. L'état-major soviétique sait très exactement, par son espionnage, que l'ennemi va frapper à Koursk. Nikita Khrouchtchev, qui sera un jour le maître de la Russie, joue un rôle dans cette bataille. Il est commissaire politique, l'œil de Staline. Il se mêle de tout. Il raconte dans ses mémoires qu'il a interrogé des prisonniers SS avant de les faire fusiller. Et il sait aussi ce qui se prépare et quels sont les enjeux. Il dit « Les deux ou trois jours qui viennent seront terribles. Ou bien nous tiendrons, ou bien les Allemands prendront Koursk. Ils jouent le tout pour le tout. C'est pour une question de vie ou de mort. C'est à nous de faire en sorte qu'ils se rompent le cou. » Et Khrouchtchev dans sa combinaison américaine, monte dans sa Jeep fournie par les Américains comme les deux tiers des véhicules, des avions, des armes et l'intégralité des conserves que mange son armée. Juillet 1943. Ces fantassins soviétiques, dans leurs tranchées, sont des Ukrainiens. Ils évoquent leur bien-aimé, comme tous les soldats du monde, avant la bataille. Leur général, Konstantin Rokossovski, vient d'être prévenu par Staline lui-même que l'assaut allemand se ferait de nuit. Partout sur la ligne de front, les Russes attendent. Sur leurs chars, ils ont écrit « Pour la patrie, pour Staline ». Dans un court passage dans ces montagnes, au Berghof, Hitler se fait photographier, très détendu. À ses côtés, Goebbels en rajoute, il dit « Les Russes sont à bout de leurs réserves humaines. » Et Goebbels vient encourager le général nazi, Walter Model, pour qui la défaite n'est pas une option. Son honneur de soldat est en jeu. Model, sous les ordres du maréchal von Kluge, doit attaquer du nord à partir d'Orel, et Manstein attaquera du sud pour encercler les Russes autour de Koursk. Le maréchal von Manstein a des doutes. Pour lui, Hitler a trop attendu pour lancer ses offensives et laisser les Russes se renforcer. Manstein veut plus de soldats, de plus en plus jeunes. Mais ce 4 juillet 1943, les dés sont jetés. La plus grande bataille de chars de tous les temps va s'engager. Hitler proclame : Soldats du Reich, vous participez aujourd'hui à une offensive d'une importance capitale. De son résultat peut dépendre le sort de la guerre. Votre victoire montrera au monde entier que toute résistance à notre puissance est vaine. L'ordre d'attaque allemand est confirmé. Au nord comme au sud, le 5 juillet à 4 heures du matin, la Wehrmacht déclenchera ses offensives. Mais les Russes du général Rokossovski prennent les devants. À 2 heures du matin, ils déchaînent leur artillerie et leur fusée Katyusha. Le tir russe est largement inefficace. Et les Allemands peuvent attaquer, appuyés par leurs chars, leurs canons d'assaut, avec les tigres en tête. Et les puissants chars russes, les T-34, contre-attaquent. La bataille ressemble, dit l'écrivain nazi Paul Karel, à la guerre de 14-18. C'est l'enlisement, malgré les chars. Paul Karel écrit : Tous les officiers sont morts ou blessés. Enfin, les hommes s'élancent pour conquérir une tranchée.

Pensons aux matins d'hiver dans les grandes villes, aux métros bondés, aux odeurs de cheveux, de déodorants, à l'étouffoir des petites angoisses, de la lassitude résignée des salariés qui ne sont rien, d'après ce qu'en dit le grand manager des Français. Coincé entre les épaules et les soupirs des inconnus, on se prend à rêver. Et si aujourd'hui on ne se laissait pas faire ? Et si on n'avait pas à subir les mille servitudes du travail, aujourd'hui ? Oui, on se prend à rêver. Et on repense avec un peu d'anxiété, peut-être, mais aussi une jubilation secrète à nos journées d'école buissonnière. Il y a des jours comme ça. Des jours où la farandole des imposteurs, à la télévision, à la radio, au bureau, sur le chantier, exaspère plus que de raison. Des jours où on nous en demande trop, ou en tout cas plus qu'on est en mesure d'en donner. Et d'un seul coup, c'est étrange, n'est-ce pas, hein ? Le refus, la ruse, le demi-tour nous appellent et nous disent « Ah là, vraiment, non !» Hier, d'accord, demain, je dis pas, hein. Ah non, mais aujourd'hui, hein, non. Parfois, c'est pas de notre faute. Un enfant est malade, la salle de bain du voisin fuit à travers le plafond, la neige encombre les routes, la grippe nous saute à la gorge. Alors on reste à la maison, secrètement libéré, secrètement rebellé contre les agendas partagés, les réunions hebdomadaires, les problèmes en suspens, les directions des ressources humaines, les premiers de cordée. La grève, au fond, il faudrait l'essayer pour voir. Aller savoir si perdre un jour de salaire, peut-être même plusieurs, n'en vaudrait pas la peine. Ne serait-ce que pour voir la tête de ceux qui trouvent ça fou ou bien irresponsable. Payer pour voir, comme un coup de poker dérisoire et drôle. Je me prends à songer à la puissance qu'aurait dans mon beau pays malade une grève générale, faisant s'affaler en une journée tout l'ordre dominant, le gelant soudain, le faisant baisser d'un ton, le contraignant à l'immobilisme absolu, silencieux, fulminant, dans l'incompréhension générale, la stupéfaction et l'anxiété. Oh, quel panache ! Mais que veulent-ils ? Se répéterait-on alors partout, sur les plateaux de télé, dans les cabinets, dans les salles de réunion du président ? Enfin, la question serait posée et une réponse serait attendue. Oh, quelle belle fiction ce serait ! Quel beau roman d'un jour ! J'en suis sûre, quelle que soit la réaction du patron, des collègues, des confrères, au moins, avouons-le, nous souririons. Notre journée, notre semaine peut-être, et pourquoi pas notre mois d'école buissonnière, aurait le mérite de tout chambouler en silence, de faire peur, sans un geste violent. Et imaginons alors que nous ne soyons pas seuls à nous lever le matin, à nous rendre au travail. Et plutôt que de mentir pour nous tirer d'affaire, à clamer haut et fort qu'aujourd'hui, on répondra non à tous les ordres et que la loi nous protège. Oui, vraiment, ils ont de la chance, les managers de la République. Nous voulons du pain et le paradis, rien de moins. Au fond, les désaccords avec nos chefs ne sont pas politiques, ils sont philosophiques. Ce n'est pas que nous rejetons leur épouvante trouvaille ou que nous refusons d'en débattre. Ce n'est pas que nous contestons leurs chiffres ou que nous avons d'autres additions à fournir pour orner leur budget, non, non, non. Nous refusons de nous rendre à la destination où ils nous conduisent. Voilà tout. Nous sommes bien trop exigeants pour cela. Le fric et le pouvoir n'excitent que les indigents. Alors, sur le chemin, les causeries de l'intendance sont distrayantes, sans doute. Mais peu importe la discussion, si elle ne révoque pas en premier lieu le but absurde de notre voyage. Oui, le débat doit changer de thème. Il doit s'ébrouer pour faire tomber ses scories. Il doit s'épurer pour révéler son vrai corps matériel. Hors de sèche, brossée au blanc par le vent, le sable et les vagues. L'heure est venue de parler de choses sérieuses. Nous partons reconquérir notre langue et nos images. Délivrer nos héros et nos mots. Ces mots que nos chefs du moment s'appliquent à vider, comme des pêcheurs curant les entrailles des petites sardines luisantes ramenées dans leurs filets. Nous voulons nous affronter philosophiquement à nos objecteurs, doctrine contre doctrine, et aller au scrutin en sachant ce que l'on pense réellement de nous, carte sur table, face à face. Nous exigeons maintenant le duel décisif, l'explication majuscule, la grande dispute. Nous voulons causer métaphysique, trancher les questions épistémologiques, répudier la morale et formuler une éthique, bâtir une esthétique, et une sotériologie, oui, absolument, tout cela et même plus. Que les mauvais philosophes soient renvoyés au gymnase, que ceux qui sont dépourvus de langue se taisent, que l'on s'affronte morés géométricaux, avec propositions, démonstrations, scolies, commentaires, et que les incapables évacuent nos hôtels de ville. Les matelots peuvent très bien s'emparer des cartes. Sans eux, les navires ne vont nulle part. C'est une loi surpassant toutes les autres. Et de même, sans nous, les États ne sont rien que des bureaux vides, des uniformes montés sur des cintres, des ordres lancés à des cours désertes. Les usines sont des hangars, les sociétés des sonneries de téléphone sans réponse, les rues de nos villes des rideaux de fer descendus, les grandes fortunes des amas de papier. Nous en avons allumé d'incroyables feux de Bengale, avec cette règle simple en tête. Nous en avons déboulonné des bastilles, des casas Poporula ou Louis, des palais d'hiver. Nous en avons mis en fuite des juntes militaires, des écuries de banquiers incapables. Avec elles, nous avons sorti les enfants des mines, rendu justice à la moitié de l'humanité et ruiné des corrompus. Nous avons remporté des scrutins avec elles, élisant de rouges grands-pères pour instaurer la sociale, inventant toutes sortes de machines politiques, ingénieuses pour préserver la dignité des pauvres. Au Mexique, faisant d'un zapothèque analphabète un président, instaurant un siècle avant la France le suffrage universel, la laïcité et la réforme agraire. Au Chili, faisant d'un médecin roudouillard un héros et martyr de la République romaine. Elle est imparable, cette loi. Si les acteurs quittent la scène, le théâtre s'écroule. Au Soudan, j'ai vu des mômes aux longs bras virtuoses faire tomber, en déclamant des poèmes, une dictature vieille de 30 ans, une junte de turban, pour rien, pour tout. Parce que les écoliers ne pouvaient plus s'acheter leur purée de lentilles à midi. Loi mathématique, loi pour toujours. À cause du prix du ticket de métro au Venezuela, de la dernière ânerie de belle gueule au pouvoir en Argentine, de l'arrogance, du mépris de trop, de la corruption des teigneux, d'un ordre de massacre donné à la troupe pour exiger le bonheur, la paix, la justice et la liberté. Elle a poussé des milliers de têtes, tout d'un coup enflammées, à la grève, au vote ou dans la rue, ne cherchant plus à obtenir des réponses, mais à donner leurs conclusions, et maintenant. N'oublions pas ce que nous apprend le temps qui passe. La grève est un geste de haute civilisation. Il était à Teruel et à Guadalajara. Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore? Faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds et les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, l'homme m'a dit écoute-moi. Je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi, je crois. mais l'homme a eu comme un sourire, et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir, ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. La revue de presse Vosges Matin du dimanche 12 mars, par exemple, 2023. Industrie moteur thermique, pourquoi l'Allemagne fait demi-tour ? Ça c'est étonnant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir cacher ? Immigration, plus de 1300 migrants secourus par l'Italie. Oui. Ce qui serait bien, ce serait qu'on empêche que les migrants s'embarquent sur des bateaux, risquent leur vie à traverser la Méditerranée, pour gagner quoi à l'arrivée? Très très peu de choses. Il faut gagner de l'argent aux passeurs, c'est tout. Alors ce qu'il faudrait, c'est que nos gouvernants, qui sont des gens honnêtes, intelligents, compétents, utiles, eh bien, passe des accords avec les gouvernements des pays d'où viennent les migrants et permettent aux migrants d'avoir une vie telle dans leur pays qu'ils n'aient pas besoin, qu'ils n'aient pas envie de migrer. Hein? Parce qu'ils ne font pas ça pour leur plaisir, les migrants. Ils ne risquent pas leur vie et celle de leurs enfants sans raison valable. Hein? Alors il faudrait que nos gouvernements deviennent utiles. Les gouvernements, les nôtres, et les gouvernements de l'autre côté de la Méditerranée. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord et qu'ils fassent quelque chose de constructif, qu'ils pensent à leur population, hein, qu'ils ne laissent pas des gens s'embarquer par centaines, par milliers, et se noyer, etc. Il faut un jour combattre la misère. Si les gouvernements, les gouvernants qui ne combattent pas la misère de façon efficace, non seulement ils sont inutiles, mais ils sont nuisibles. Ce sont des parasites qu'il va falloir traiter comme tels. Ouais, il y en a un qui a marqué sur un monument à Paris la base d'une colonne, je crois bien. Hein. On n'a pas vu très longtemps avec un gros pinceau et il a marqué mort au roi. Mort au roi. On est revenu à une époque qui pourrait bien être très révolutionnaire dans tous les sens du terme. Très révolutionnaire. C'est-à-dire que nos gouvernants, s'ils se contentent d'être des parasites de la société et d'être nuisibles pour l'humanité, eh bien, il faut qu'ils attendent à des réactions assez fortes. Hein ? Oui, assez fortes. Énergie, le nucléaire français sous emprise russe, point d'interrogation. Greenpeace a affirmé samedi que la filière nucléaire française était sous emprise de la Russie, qui contrôle, selon l'ONG, l'organisation non gouvernementale, plus de 40% des importations d'uranium naturel en provenance du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, et un tiers de celles d'uranium enrichi. En 2022, année de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, près de la moitié de l'uranium naturel importé en France provenait du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, 43% exactement, a souligné l'organisation Greenpeace dans un rapport publié samedi. Greenpeace, ce sont des gens qui, des militants, qui font un travail très, très efficace. Parce que grâce à eux, on est régulièrement informés. Hein, pas grâce à nos gouvernements. Nos gouvernements. Et tout ce qui gravite autour, tout ce qui ramasse les miettes du gâteau autour, les parts de gâteau, hein, eh bien, ne sont pas très utiles, hein, par rapport à Greenpeace. En 2022, l'intégralité des exportations françaises d'uranium de retraitement ont été envoyées en Russie. Et l'intégralité des importations d'uranium réenrichi en France provenait de Russie, selon Greenpeace. Voilà, l'organisation avait en particulier relevé que la France avait reçu de la Russie un tiers de l'uranium enrichi nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires françaises pendant un an, un triplement en 2022, selon elle. Une dépendance immense. C'est en 2022, l'intégralité des exportations françaises d'uranium de retraitement ont été envoyées en Russie et l'intégralité des importations d'uranium réenrichi en France provenait de Russie. Voilà. Alors, Poutine, il avait créé des emplois à une époque. Il avait embauché dans ces grosses sociétés de gaz et autre chose, Gazprom, etc. Un ancien premier ministre allemand, hein, Gerhard Schröder, et un ancien premier ministre français. Hein? Allons. Hein? Ils sont bien, tous ces gens-là, comme ils sont beaux, comme ils sont propres, comme ils sont honnêtes, comme ils sont utiles. Eh oui, ce ne sont pas des parasites qui vivent à nos détriments. Non. Ah ben non, pas du tout. Alors, des femmes meurent, des femmes sont violées tous les jours. Tous les 7 minutes, il y a une tentative de viol. 80% des plaintes sont classées sans suite. Alors pourquoi on paye les policiers et les juges? Hein? Les policiers et les juges, ils sont payés pourquoi? Par moment, on peut se demander quand même. On doit se demander. Hein? Et on doit obtenir une réponse. Alors voilà, entre autres choses, bon, c'est une honte, l'école ne fait pas son travail d'éducation, d'information et de prévention. Dans cette société égocentrée, il y a une incroyable défaillance des adultes. Eh oui. Alors, il raconte, l'histoire d'Alam Seili, une jeune femme de 32 ans, mère d'un bébé de 2 mois, tuée par son mari à Strasbourg le 16 avril 2010, au lendemain du refus d'un policier d'enregistrer sa plainte pour violence conjugale. Refus d'un policier d'enregistrer sa plainte. Hein? Eh oui. Ça aurait été en 1945, on aurait résolu le problème comment, à votre avis? Hein? Oh, de façon très radicale, définitive et rapide. Ah oui, la violence, elle n'est pas forcément toujours du côté des mêmes. Alors, un centre de formation d'apprentis ouvrira à l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Remiremont. No comment. Explosion des, comme on dit dans les radios libres, no comment. Explosion des permis de construire, le traitement de choc de la mairie. Voilà. La gendarmerie, on ne pourra plus construire au-dessus de 700 mètres. Ben oui, parce que les réserves d'eau, l'entretien des routes, l'entretien, etc., la commune n'a plus les moyens de suivre. Voilà. Alors, ben, si on fait des choses, la gendarmerie, ben, va falloir certainement que ce soit les touristes qui payent, et pas les gens du cru. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de pauvres et de chômeurs à gendarmerie, comme partout dans les Vosges. Hein. Nos élus, ils ont fait quoi pendant des années? Nos élus et ceux pour qui vous avez voté. Augmentation des prix, le riz, plus 25%, spaghetti, plus 11%, huile d'olive, 20,61%, alors je passe après les chiffres après la virgule, hein. Sucre, 54%, voilà. Et puis, voilà, augmentation des prix. Et puis, en dessous, plus 32% pour les dividendes. Et vos salaires, ils ont augmenté de combien? Point d'interrogation. Hein? Voilà. Alors, Gérardmer Center. Tiens, il est question de Gérardmer Center. Alors, in French. French Center. French Centre. Ah, c'est les mêmes lettres. Oh, c'est le Le gars qui compose le texte, qui s'est trompé, il a inversé les deux lettres, il n'a pas fait exprès. C'est des choses qui arrivent, dans toutes les professions, il arrive qu'on se trompe. Center, centre. Eh oui. À moins que ce soit un mot de patois de Gérard Armé. Un center. Alors, les gens de la SNCF ou autres fonctionnaires sont peut-être privilégiés et se plaignent tout le temps, mais ils se sont battus pour avoir ce qu'ils ont. Il ne faut pas être jaloux d'eux. Je suis dans le bâtiment. On n'avait qu'à en faire autant plutôt que d'attendre que les autres le fassent pour nous. Je suis artisan depuis 34 ans. Je suis le seul à défiler. Mes gars ne défilent pas. Pourtant, je ne leur décompterai pas le temps passé à manifester. Alors, arrêtons de critiquer les fonctionnaires, dit un artisan. Eh oui. Eh oui. Entre artisans et salariés, souvent, il n'y a pas trop de différence. Hein ? Il y a des moments où c'est difficile pour les deux. Les appels au blocage des établissements ce 9 mars n'ont pas été énormément suivis. Une quinzaine ont été bloqués selon l'éducation nationale sur 3700. C'est ce que s'écrit le journal. Alors, payer un abonnement pour lire des choses comme ça, non, faut pas faire. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter. Ah oui. Oh, faut arrêter les choses. Faut arrêter tout ça. Pas normal. La galerie Marchande, le Center, à l'heure du renouveau. Le Center, c'est à Gérard Armé. Alors, Center, patois de Gérard Armé, c'est-à-dire centre, en français. Il suffit de remettre les lettres dans le bon ordre, puis tu vois bien. Alors, Center, c'est une galerie Marchande. Alors, à l'étage, il se compose de Papy Popcorn. P-A-P-Y, je sais pas ce que ça veut dire. Pop, P-O-P, je sais pas non plus. Corn, C-O-R-N. S'il y avait un E à la fin, je saurais, mais là, il n'y a pas de E à la fin. Donc, je ne sais pas. Bazar Biz Art. Alors, Biz, B-I-Z. Alors, Art, A-R-T. Bon, c'est peut-être de l'art, hein, qui sait. World Connect. W-O-R-L-D. Plus loin, C-O-2-N-E-C-T. Et puis, il y a Centracor, C-E-N-T-R-A-K-O-R. Hein, et puis Z Games, G-A-M-E-S, et mot hostile, voilà. Alors là, mot M-O-H-O, si ça se trouve, c'est du patois vosgien, ça. Ça veut peut-être dire maison. Les mots. Faudrait demander à Claude Vanoni, qui il connaît le patois de Gérard Armé. Il pourrait nous traduire tout ça, peut-être pas. En tout cas, le patois, lui, il pourrait le traduire. L'anglais, je ne sais pas s'il serait intéressé. Hein. Les femmes ont été mises à l'honneur au Trait d'Union, à Neuchâtel. Trait d'Union. Alors, Trait d'Union, ça fait penser à autre chose. Le Trait d'Union, c'était RTU. RTU. C'était Radio Trait d'Union. C'était le premier nom de Radio Guémozo. Oui. Et c'est un nom qui avait du sens. Parce que Guémozo, c'est le nom d'un ruisseau. Hein. Ça passe, ça coule, ça s'en va. Ça disparaît. Le nouveau commandant de police est installé officiellement à Remiremont. Alors, nucléaire, risque de fuite des cerveaux. Ah, vous voyez, il n'y a pas que les fuites radioactives qui risquent d'arriver. Il peut y avoir des fuites dans les cerveaux ou des fuites des cerveaux. En fusionnant la police scientifique du risque nucléaire, IRSN, et l'ASN, chargée de contrôler et sécuriser les centrales, le gouvernement va-t-il provoquer une fuite de cerveau, point d'interrogation. C'est ce que craignent les représentants syndicaux de ces structures. Eh oui, si on fait fuir les cerveaux, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui agissent, et qui... Bon, voilà, eh ben... Justice, étudiant tué à Paris, information judiciaire ouverte pour assassinat. Une information judiciaire a été ouverte vendredi pour assassinat après la découverte du corps sans vie de Valentin F., un étudiant de 21 ans, samedi dernier à Paris. Le suspect de 24 ans avait été placé en garde à vue avant d'être conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Il a depuis été hospitalisé. Procès, greffé aux États-Unis, sa demande de remboursement rejetée. Eh oui, l'assurance maladie avait envoyé un refus de prise en charge, mais la jeune femme s'était malgré tout fait opérer à Philadelphie. Et c'était le remboursement aurait été de plus d'un million de dollars. Plus d'un milliard de dollars. Ah oui, la chirurgie Made in USA coûte cher. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions, hein, des solutions médicales, pas, hein, ouais, pas du fric, toujours le fric, dans tout, le fric partout, pour tout. Alors, Macron et Sunak scellent une nouvelle entente. Oh oui, alors Sunak, il a de la force, et puis il a la peau qui est un petit peu bronzée, et il serre la main de Macron tellement fort que l'autre a les doigts tout blancs. Hein? Et oui. Et ils ont le sourire tous les deux, hein, mais il y a peut-être un qui fait comprendre à l'autre que, bon, il y a forcément un qui est un petit peu plus fort que l'autre. Et oui. Et, ah ben, tuerie à Hambourg. Les témoins de Jéhovah visés. Un ancien membre des témoins de Jéhovah a tué 6 personnes jeudi soir dans son ancienne communauté à Hambourg en Allemagne. Avec laquelle il était vraiment en conflit avant de se donner la mort. Voilà, ben les témoins de Jéhovah, c'est encore une secte. Ben oui, les religions, les sectes, ça tue beaucoup de monde tous les ans. Ah oui, c'est comme la drogue, hein. La drogue, ça provoque des accidents, ça, bon, bref. Chine, Xi Jinping décroche un troisième mandat. Alors, je jure d'être loyal à la patrie et au peuple, a promis Xi Jinping. Poing droit levé et main gauche sur la Constitution. Alors, ses prédécesseurs avaient chacun cédé leur place après 10 années au poste de président Xi Jinping, qui a laissé se développer autour de lui une quasi-culture de la personnalité, a mis fin à cette règle. L'actuel président chinois a obtenu vendredi un troisième mandat, devenant ainsi le dirigeant suprême à rester le plus longtemps au pouvoir de l'histoire récente de la Chine. Le résultat du vote des députés est sans appel, de 1952 votes pour, 0 contre, 0 abstention. Le Parlement étant, dans la pratique, inféodé au Parti communiste chinois. Au pouvoir, l'issue du scrutin ne faisait aucun doute. Alors j'ai marqué dans la marge à côté, ne pas montrer cet article à Macron. Hein? Ça pourrait lui donner des idées. Alors. 60% des Français se disent prêts à un blocage du pays et 64% pensent que si ce blocage survient, c'est le gouvernement et non les syndicats qui en seraient le responsable. Ces chiffres sont ainsi issus d'un sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro publié vendredi et réalisé les 9 et 10 mars via Internet sur l'échantillon de 1005 Français. Je croyais que le Figaro c'était un journal français. Hein? Odoxa Backbone Consulting. Alors, 2 points à côté. Was ist das? Je prie Französisch, bitte schön. Réforme des retraites, une nouvelle journée de mobilisation. Eh oui, c'est pas fini. Et puis en bas de la page, les sénateurs expliquent pourquoi ils ont voté pour la retraite à 64 ans. Bon, c'est pas la peine de lire l'article, on se souviendra d'eux. Le moment venu. Eh oui, eh. François Hollande, il faut préserver notre démocratie. Alors, 2 points. Il faut préserver notre démocratie. Vite, fermons les guillemets. Eh oui, il sait. A-t-il fait le nécessaire quand il était au pouvoir pour améliorer la démocratie et la préserver, hein? De passage à Bulgnéville afin de célébrer les 40 ans du maire, etc. Préserver la démocratie qu'il estime en danger. La démocratie française est en danger. Ah, j'oubliais. On vous a dit que vous deviez travailler jusqu'à 64 ans, point de suspension. On ne vous a pas dit que vous auriez du travail. On vous a dit que vous devriez travailler jusqu'à 64 ans. On ne vous a pas dit que vous auriez du travail. Quand les éboueurs font grève, les orduriers sont indignés. Il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre pour qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. C'est ancien, ça. Oh oui, c'est très ancien. C'est Aristote qui a écrit cette phrase.